La grande consommation du vin et le fait de le rendre licite. Sont apparues dans cette communauté la consommation du vin et son appellation autrement que par son nom. Pire que cela, certaines personnes l'ont rendu licite. Ceci est un signe de la fin des temps. L'imam muslim rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu an, qu'il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Parmi les signes de l'heure, jusqu'à ce qu'ils disent « Et le vin sera consommé. » Rapporté par Muslim. Certains hadiths parlant des instruments de musique ont été cités précédemment et il y figure qu'il y aura parmi cette communauté des gens qui rendront licite la consommation du vin. L'imam Ahmed et Ibn Majah rapportent d'après Ubada ibn Samit, radiyallahu an, qu'il a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe parmi ma communauté rendra licite le vin en lui donnant un nom autre que le sien. » Ainsi, le vin a reçu diverses appellations. On l'a même appelé « boisson spiritueuse ». Les hadiths sont nombreux à démontrer que dans cette communauté, la consommation de l'alcool se propagera et qu'il y en aura qui le rendront licite et changeront son nom. Ibn al-Arabi explique ce que signifie le fait de rendre la consommation du vin licite en citant deux interprétations. La première est de croire qu'il est permis d'en boire. La seconde est le fait de s'y adonner comme l'on s'adonne à quelque chose de licite. Il cite ensuite qu'il a entendu et vu ce qui agissait de la sorte. Mais cela est encore plus grand à notre époque, outre le fait que certaines personnes se sont épris de cette boisson. Il y a pire que cela, c'est de le vendre au grand jour et d'en consommer ouvertement dans certains pays islamiques. De plus, la propagation des drogues s'est faite d'une manière sans précédent, ce qui présage un danger immense et une corruption démesurée. Mais l'affaire tout entière appartient à Allah Jalla Jalalu. L'ornement des mosquées est sans vanter. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte d'après Anas, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. » Selon une version d'An-Nasa'i et d'Ibn Khuzayma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il est que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. » Al-Bukhari rahimahullah dit « Anas, radiyallahu an, a dit « Ils s'en vanteront, mais ne les fréquenteront que rarement. » Quant au fait de s'en vanter, il s'agit de se préoccuper de son ornement. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit « Vous les ornerez de la même manière que les juifs et les chrétiens l'ont fait. » Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an, a certes interdit de décorer les mosquées, car cela dérange les gens durant leurs prières. Lorsqu'il ordonna de rénover la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Protège les gens contre la pluie et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune car tu troublerais les gens. » Qu'Allah accorde sa miséricorde à Omar, radiyallahu an. Certes, les gens n'ont pas pris en considération sa recommandation. De plus, ils ne se sont plus contentés du rouge ou du jaune, mais ont largement exagéré dans la décoration des mosquées de la même manière que l'on décore un vêtement. Les rois et les califes ont rivalisé dans la construction des mosquées et leur ornement au point de réaliser des choses étranges. Ces mosquées existent toujours jusqu'à aujourd'hui, comme c'est le cas en Égypte, au Chem, dans les pays du Maghreb, en Andalousie et ailleurs. Aujourd'hui encore, les musulmans continuent de se concurrencer dans l'ornement des mosquées. Il ne fait aucun doute que l'ornement des mosquées est une preuve de gaspillage et de dépenses inutiles. Leur entretien se fait en y obéissant et évoquant Allah. La protection contre la chaleur, le froid et la pluie suffit amplement aux gens. La menace de destruction plane sur ceux qui ornent les mosquées et décorent les pages du Coran. Al-Hakim et At-Tirmidhi rapportent d'après Abu Darda, radiyallahu an, qu'il a dit « Lorsque vous décorerez vos mosquées et ornerez vos exemplaires du Coran, la destruction vous touchera. » Al-Munawi rahimahullah dit « Il est donc interdit d'orner les mosquées et les exemplaires du Coran, car cela détourne le cœur de la méditation, de la crainte et de la présence d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah. » Les Shafi'ites sont d'avis que l'ornement des mosquées et même la Kaaba avec de l'or ou de l'argent est illicite de manière générale. La concurrence dans l'élévation des bâtiments. C'est l'un des signes qui est apparu tôt après l'époque de la prophétie et s'est propagé par la suite au point que les gens se sont concurrencés dans les bâtiments et l'ornement des demeures. Ce fut le cas lorsque le monde s'ouvrit aux musulmans et que les richesses emplirent leurs mains après les conquêtes. Cette situation dura jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux se tournèrent vers la vie terrestre. Ils furent envahis par le mal, qui toucha les générations précédentes. Il s'agit de la concurrence dans l'amassement des biens et des dépenses dans ce qui ne convient pas en religion. Cela atteignit une telle proportion que les campagnards et leurs semblables parmi les nécessiteux et les pauvres connurent la richesse comme les autres gens et commencèrent à ériger des bâtiments aux multiples étages, puis à se concurrencer. Tout ceci s'est produit comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans les deux sahih, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril alayhi salam, lorsqu'il le questionna au sujet du terme de l'heure, « Cependant, je vais te parler de ces signes. Et lorsque les gardiens de troupeaux se concurrenceront dans les constructions, voilà l'un des signes. Selon une version de Muslim, et que tu vois les va-nu-pieds, nus, indigents, gardiens de moutons, se concurrencer dans l'élévation des constructions. » Selon une version de l'imam Ahmed rahimahullah, d'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, celui-ci dit « Ô messager d'Allah, et qui sont ces gardiens de moutons, nus, affamés et pauvres ?» Il répondit « Les Arabes. » Al-Bukhari rahimahullah rapporte d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions. » L'érudit Ibn Hajar rahimahullah dit « La signification de la concurrence dans l'élévation des constructions est que chacun de ceux qui construisent une demeure désire que sa hauteur soit plus grande que celle de l'autre. Cela peut aussi signifier la concurrence au niveau du décor et de l'ornement ou de manière plus générale que cela. Plusieurs choses de cela ont été vécues et cela ne fait qu'augmenter. De même, cela est apparu clairement à notre époque. Les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions et se vantent de leur hauteur, leur largeur et de leur ornement. Ils construisent même des gratte-ciel atteignant les nuages connus en Amérique et ailleurs dans les pays du monde. L'esclave engendre sa maîtresse. Nous trouvons dans le long hadith de Jibril, alayhi salam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cependant, je vais t'informer de ces signes, lorsque l'esclave engendrera sa maîtresse. » Et selon une version de Muslim, « Lorsque l'esclave engendrera son maître. » Les savants ont divergé au sujet du sens de ce signe en plusieurs avis. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, en cite 4. Al-Khatabi dit « Cela signifie l'expansion de l'islam et la conquête des pays polythéistes, ainsi que l'asservissement de leurs enfants. » Puis, lorsque l'homme possède une esclave et qu'elle lui donne un enfant, cet enfant sera par rapport à elle au même rang que son maître, car il est l'enfant du maître de celle-ci. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, précise que cet avis est l'avis de la majorité des savants. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Cependant, que cela soit son sens exact est discutable, car avoir des enfants avec des esclaves existait au moment où la parole a été dite. De même, la conquête des pays polythéistes, l'asservissement de leurs enfants et leur capture se sont produits davantage au début de l'islam, alors que le contexte de ce propos implique la désignation d'un événement qui ne s'est pas produit et qui se produira vers la fin des temps. Les maîtres vendent les mères de leurs enfants. Cela deviendra fréquent puis ces femmes esclaves, qui ont eu un enfant, passeront d'un maître à un autre jusqu'à ce que leur propre enfant les rachète sans le savoir. L'esclave enfante un enfant libre, engendré par un autre que son maître, suite à un accouplement ambigu, ou par un autre esclave suite à un mariage ou une fornication, puis cet esclave est vendu dans les deux cas d'une vente valable, puis passe d'une main à une autre jusqu'à ce que son fils ou sa fille la rachète. C'est une variante de l'avis précédent. La désobéissance s'accentue chez les enfants, en sorte que l'enfant se comporte avec sa mère de la même manière que le maître avec son esclave, en l'humiliant par l'insulte, le coup ou le travail. On l'appelle alors métaphoriquement « seigneur » ou « le sens de maître » et « le tuteur concrètement ». Ibn Hajar, rahimahullah, dit ensuite « Ceci est l'avis le plus fort pour moi, de par sa généralité et parce que le contexte indique une situation qui, en plus de désigner la corruption de l'époque, sera des plus étranges. En résumé, cela indique que l'heure sera proche lorsque les notions se seront inversées en sorte que les éduqués deviennent éducateurs et que l'inférieur devienne supérieur. De plus, cela concorde avec sa parole concernant l'autre signe « les va-nu-pieds deviendront les rois de la terre ». Il y a un cinquième avis qui a été émis par l'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, qui est « Les esclaves seront à la fin des temps celles pour lesquelles l'on aura de la jalousie. Ainsi, cet esclave sera sous la responsabilité de l'homme âgé en dehors des autres femmes libres. C'est pourquoi il compare cela à la parole et que tu vois les va-nu-pieds, indigents, se concurrencer dans l'élévation des constructions. » La propagation du meurtre. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la propagation du meurtre. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que se multiplie l'anarchie. » Ils demandèrent « Et qu'est-ce que l'anarchie au messager d'Allah ?» Il répondit « Le meurtre, le meurtre. » Rapporté par Muslim. Selon une version d'Al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, avant la venue de l'heure, il y aura des jours d'anarchie durant lesquels disparaîtra la science et apparaîtra l'ignorance. Abu Moussa, radiallahu an, dit « Le chaos et le meurtre » dans le langage des Abyssins. Abu Moussa, radiallahu an, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Avant la venue de l'heure, il y aura l'anarchie. » Ils demandèrent « Et qu'est-ce que l'anarchie ?» et lui de dire « Le meurtre. » Ils demandèrent « Plus encore que ce que nous tuons, car nous tuons durant une seule année plus de 70 000 hommes. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il ne s'agit guère du meurtre des polythéistes, mais du meurtre entre vous. » Ils demandèrent « Aurons-nous notre raison ce jour-là » Il rétorqua « La raison de la plupart des gens de cette époque sera ôtée et fera place à des gens bornés. La plupart d'entre eux penseront se baser sur quelque chose, mais ils ne se baseront sur rien. » Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par celui qui détient mon âme en sa main, la terre ne disparaîtra pas tant que les gens ne connaîtront pas de jour où le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué, ni l'assassiné pourquoi il a été tué. » On demanda alors « Comment cela sera-t-il » Il répondit « L'anarchie, le meurtrier et l'assassiné seront en enfer. » Ce dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé dans ses hadiths, s'est produit en partie. Ainsi, le combat eut lieu entre les musulmans à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, après l'assassinat de Uthman, radiallahu an. Puis les guerres se sont multipliées à certains endroits en dehors d'autres, et à certaines époques et non à d'autres, sans que l'on connaisse les raisons de la plupart de ces guerres. Les guerres destructrices entre les communautés ont frappé les derniers siècles. Des milliers de personnes en furent victimes, et les troubles se sont propagés au sein des gens à cause de cela, à tel point qu'une personne en tue une autre sans connaître la raison qui l'y a poussée. De même, l'apparition des armes de destruction massive qui anéantissent les peuples et les nations a joué un grand rôle dans la propagation du meurtre à un point tel que la personne n'a plus aucune valeur. Elle est égorgée de la même façon qu'on égorgerait un mouton. Cela est dû au libertinage et à l'insouciance. En période de trouble, le meurtrier est capable de tuer sans savoir pourquoi il le fait, ni pour quelle cause. Nous trouvons même que certaines personnes en tuent d'autres pour des raisons futiles, car les gens vivent dans le désarroi. Tout ceci est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison de la plupart des gens de cette époque sera certes ôtée. Nous demandons à Allah Azawajal le salut et cherchons auprès de lui la protection contre les troubles apparents et cachés. Il a été rapporté que cette communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Ainsi, Allah Azawajal a fait des troubles, des tremblements de terre et du meurtre, le châtiment de celle-ci sur terre. Sadaqa ibn al-Muthanna rapporte Rabih ibn al-Harith nous rapporte d'après Abu Burda qu'il a dit « Alors que je me trouvais debout devant le marché durant le califat de Ziyad, je frappais ma main sur l'autre d'étonnement. Un homme parmi les Ansar, dont le père était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me demanda « De quoi t'étonnes-tu, ô Abu Burda ?» Je dis « Je m'étonne de gens dont la religion est la même, le messager est le même, le prêche est le même, le pèlerinage est le même et le combat est le même, mais qui se permettent de s'entretuer. » Il dit « Ne t'étonne point, car j'ai entendu mon père m'informer qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle n'aura ni jugement ni châtiment dans l'au-delà. Son châtiment se trouve plutôt dans le meurtre, les tremblements de terre et les troubles. » Selon une version d'après Abu Moussa, radiallahu an, « Certes, ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle n'aura aucun châtiment dans l'au-delà, mais son châtiment se trouve sur terre, le meurtre, les pagailles et les tremblements de terre. » Le rétrécissement du temps. Le rétrécissement du temps est l'un des signes de la fin des temps. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. » Il rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année devienne comme un mois, le mois comme un vendredi, le vendredi comme un jour, le jour comme une heure, et une heure comme le temps à une feuille de palmier de brûler. » Les savants ont différents avis concernant le sens du rétrécissement du temps, dont cela désigne le manque de bénédiction dans le temps. Ibn Hajar rahimahullah dit « Nous retrouvons cela à notre époque, car nous constatons la rapidité avec laquelle les journées passent, chose que nous ne trouvions pas à l'époque qui précédait la nôtre. » Cela désigne aussi ce qui se déroulera à l'époque du Mehdi et de Isa alayhi salam, comme jouissance que les gens connaîtront dans la vie, la propagation de la sécurité et la justice qui régnera. Mais les gens trouveront trop courts les jours d'aisance, même si ceux-ci sont longs, et trouveront trop longue la période d'épreuve, même si celle-ci est courte. Cela désigne également l'affaiblissement des gens suite à la diminution d'observance de la religion, à tel point que personne n'ordonnera le bien ni ne réprouvera le blâmable à cause de la domination de la perversion et l'apparition de ceux qui s'y adonnent. Cela se produira particulièrement lorsque la recherche du savoir sera délaissée et qu'on se satisfera de l'ignorance vu que les gens ne s'équivaudront pas dans la science. Or, la science a différents degrés, comme Allah Azzawajal dit dans le verset « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ » Et au-dessus de tout homme détenant une science, il y a un savant plus docte que lui. Sourate Yusuf, verset 76. Par contre, ils s'équivaudront s'ils sont ignorants. Cela désigne également le rapprochement des gens de cette époque grâce à la propagation des moyens de transport et des véhicules terrestres et aériens plus rapides qui rapprochent ce qui est éloigné. Cela désigne aussi le rétrécissement du temps et son accélération concrète, ce qui se produira à la fin des temps. Ceci ne s'est pas produit jusqu'à présent, chose qui est appuyée par le fait que les jours où le faux Messie sera présent s'allongeront, si bien qu'un jour sera équivalent à une année, à un mois et à une semaine. De même que les jours s'allongent, ils rétrécissent. Cela est dû à la désorganisation de l'univers et la venue de la fin des temps. Ibn Abi Jamra dit « Il est possible que le rapprochement du temps signifie son rétrécissement. Sur la base du hadith, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'année soit comparable au mois. » Ainsi, le rétrécissement peut être concret comme il peut être abstrait. Pour ce qui est du concret, cela ne s'est pas encore produit et il est possible qu'il s'agisse d'un des événements qui se produiront à la proximité de la fin des temps. Quant à l'abstrait, cela fait déjà un temps que cela est apparu. Les théologiens ainsi que ceux qui ont conscience de ce qui se passe ici-bas savent cela. Ils remarquent qu'ils sont incapables d'accomplir le même nombre de tâches qu'ils effectuent auparavant. Ils s'en plaignent et ne savent pas quelle en est la cause. Il se peut que cela soit dû à la diminution de la foi et à l'apparition de toutes les transgressions à la religion sous plusieurs formes, dont les pires sont au niveau des aliments. Nul n'ignore le côté illicite et équivoque de ce fait. Beaucoup de personnes ne s'abstiennent en rien, et quand elles sont capables d'obtenir une chose, elles s'y lancent sans se soucier. En réalité, la bénédiction dans le temps, la subsistance et la récolte est accordée quand la foi est forte, quand on répond à l'ordre et qu'on s'éloigne de l'interdit. La parole d'Allah Azzawajal suivante en témoigne. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-A'raf, verset 96. Le rapprochement des marchés. L'un des signes de la fin des temps et le rapprochement des marchés. Abu Hurayra radiallahu anh rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les troubles apparaissent, que le mensonge se propage et que les marchés se rapprochent. » Le shir Hamoud At-Tuwayjiri rahimahullah dit « Quant au rapprochement des marchés, son explication est mentionnée dans un hadith faible soulignant qu'il s'agit de leur déclin et du peu de bénéfices. Il apparaît, et Allah est plus savant, que cela est une indication de ce qui s'est produit à notre époque quant au rapprochement des gens de la Terre grâce aux moyens de transport terrestre et aérien et aux machines électriques qui transmettent les sons comme les radios et les téléphones ayant rapproché les marchés de la Terre. Ainsi, il n'y a de changement de prix dans une quelconque région sans que les commerçants ne le sachent, ou la plupart, partout sur Terre. Ils augmentent donc le prix s'il augmente et le diminuent lorsqu'il diminue. Les commerçants se déplacent en voiture au marché des villes dont la distance est de plusieurs jours. Ils y concluent leurs affaires puis retournent, le tout durant une journée ou une partie de la journée. Ils se déplacent également en avion au marché des villes dont la distance est de plus d'un mois. Ils y règlent leurs affaires puis reviennent en un jour ou une partie de la journée. Les marchés se sont donc rapprochés de trois façons. Premièrement, la rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qui s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou à la diminution. Deuxièmement, la rapidité de déplacement d'un marché vers un autre même si la distance est très longue. Et troisièmement, la concordance des marchés au niveau des prix et le fait que certains suivent d'autres dans l'augmentation et la diminution. et Allah est plus savant. L'apparition du polythéisme dans cette communauté. Il s'agit de l'un des signes qui sont apparus, celui-ci s'est d'ailleurs accentué. En effet, le polythéisme a touché cette communauté. De plus, certains peuples ont rejoint les polythéistes chez eux. Ils ont adoré les idoles, ont construit des mausolées sur les tombes, les ont adorés en dehors d'Allah, leur ont demandé bénédiction, les ont embrassés et glorifiés, leur ont formulé leurs vœux et y ont célébré leurs fêtes. Nombre d'entre elles sont lieux de polythéisme, comme l'étaient Al-Lat, Al-Uzza et Mannat, voire plus encore. Abu Daoud et At-Tirmidhi, rahimahumallah, rapportent d'après Thauban, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'épée s'installera dans ma communauté, elle n'en sera pas relevée jusqu'au jour de la résurrection. » Et l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce que des tribus de ma communauté adorent les idoles. Les deux shirs rapportent d'après Abu Huraira radiallahu an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les fesses des femmes de Daous ne s'agitent sur Dhul Khalas. » Ce dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith s'est produit, car la tribu de Daous et leurs voisins parmi les Arabes se sont épris de Dhul Khalas. Lorsque l'ignorance réapparut dans ce village, ils retournèrent à leur première pratique et se mirent à l'adorer en dehors d'Allah jusqu'à ce que vienne le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, pour prêcher l'unicité. Il renouvela ce qui s'était perdu de la religion et l'islam retrouva vie dans la péninsule arabique. L'imam Abdel Aziz ibn Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, envoya un groupe de prêcheurs à Dhul Khalas pour la détruire et démolir ses constructions. Lorsque le règne des Saoud sur le Hijaz toucha à sa fin durant cette période, les ignorants retournèrent de nouveau à leur adoration d'antan. Lorsque le roi Abdelaziz ibn Abdelrahman al-Saoud, rahimahullah, prit la tête du Hijaz, il ordonna à son gouverneur d'envoyer une troupe armée pour la détruire et faire disparaître toute trace de cette idole. Louange donc à Allah azawajal. Le polythéisme ne cesse de subsister dans certains pays, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit vrai quand il proclama La nuit et le jour ne disparaîtront pas jusqu'à ce qu'Allat et Al-Uzza soient adorés. Aïcha, radhiallahu anha, demanda alors Ô messager d'Allah, je croyais que quand Allah avait révélé, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes, que cela était fini. Et lui de dire, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura de cela ce que voudra Allah. Puis Allah enverra un vent doux qui donnera la mort à tous ceux qui ont dans le cœur le point d'un atome de moutarde de foi. Il ne restera alors que ceux en qui il n'y a aucun bien qui retourneront à la religion de leur père. Les manifestations du polythéisme sont nombreuses. Ainsi, elles ne se limitent pas uniquement à l'adoration des pierres, des arbres et des tombes, mais vont jusqu'à considérer de fausses divinités comme égaux d'Allah qui établissent d'elles-mêmes des lois pour les gens et leur imposent de les faire juger et de délaisser celles d'Allah. Ils s'érigent donc eux-mêmes en divinité avec Allah. D'ailleurs, Allah Azzawajal dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. » Surat At-Tawba, verset 31. C'est-à-dire, ils ont pris leurs doctes et leurs dévots comme des divinités qui leur légifèrent des lois, car ils les ont suivis dans ce qu'ils ont rendu licite et ce qu'ils ont interdit. Si nous disons cela pour le fait de rendre licite et d'interdire, qu'en est-il de ceux qui ont délaissé l'islam derrière eux et ont suivi les doctrines athées comme la laïcité, le communisme, le socialisme et le nationalisme, puis prétendent être musulmans ?